comprenez justement les gens qui se disent voyants. Ils sont capables de voir des choses pour les autres, mais peu pour eux-mêmes. Donc, ça fait des gens, des fois, qui ont des vies personnelles. C'est difficile, c'est dur, c'est des vies dures. C'est pour ça que je n'ai jamais été fort sur les gens qui pratiquent la voyance, puis qui sont beaucoup dans ces choses-là. Parce que, en tout cas, disons que ça vient avec certains défauts, là. Parce que des fois, voir certaines choses, c'est pas en voir d'autres. Puis des fois, il y a une fascination pour certaines choses liées à l'invisible. Puis là, on perd de vue le visible. C'est grave, ça. Il y a une dame que je connais, là. Des fois, je m'inquiète un petit peu parce qu'elle ne voit pas ce qui se passe sur la route quand elle conduit. Mais là, c'est là que ça devient inquiétant. Il peut y arriver des accidents.